où j'aime être seul dans mon local en relation duel. Monsieur Hardcore que l'écolalie interpelle, tel qu'un et son frère Abel. Docteur Lali chante de jolies ritournelles. Il aime les enfants, les cuicuis, les demoiselles. En tout bien tout honneur, ouais. Monsieur Hardcore.